Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 14 novembre. On va ouvrir évidemment le bulletin de sport local. C'est quand même très, très tranquille ce matin. Donc on va parler de la catégorie hockey simplette, donc catégorie Atoma. Il y avait des matchs la semaine passée. Et dans la catégorie A, les Sabres d'Orbeval ont défait les Aiglons d'Alma 2-1. Et également, ce qu'il faut mentionner dans les autres catégories, en classe Atome B, il y avait également des matchs et victoire des Genois d'Alma 2-1 sur les Bulldogs de Saint-Félicien. Gain également des Hurricanes de Mastuillage 2-0 sur les Aiglons d'Alma. Et également, les Genois d'Alma ont défait les Patriotes de Saint-Bruno 8-0. Maintenant, en Pee-Wee B, il y avait des matchs au cours de la fin de semaine. Donc, victoire des Genois d'Alma 4-2 sur les Éperviers Normandins. Également, les Monarques de Saint-Amboise ont défait les Cougars de Saguenay 3-1. Aussi, dans la victoire des Royals de Metabetchouan 4-1 sur les Hurricanes de Mastouillache. Et Éperviers de Lac-Saint-Jean 4, Aiglons d'Alma 0. Et c'était des matchs de la catégorie Pee-Wee B. En Pee-Wee A maintenant, il y avait également des rencontres au cours du week-end. Gain des Royals de Metabetchouan 4-2 sur les Sabres de Roberval. Également, à noter aussi que les Aiglons d'Alma ont défait les Bulldogs de Saint-Félicien 7-3. Les Aiglons d'Alma ont également défait les Sabres de Roberval 3-0. Du côté maintenant du hockey Saint-Lac-Saint-Jean, on a annoncé que Pascal Bouchard devient le coordonnateur aux opérations, au développement et aux communications. Pascal Bouchard entre en fonction le 25 novembre. C'est lui qui était président du hockey mineur de Roberval. Et hier au Saguenay, on a annoncé que Maxime Pépin, qui a œuvré pendant 7 ans au club de soccer de Scutimi, va devenir le directeur général du club Le Venturi de Saguenay. C'est un club fusionné qui regroupe les clubs de Scutimi, Jonquière, Chipcha et Labbé. Donc, on a annoncé ça hier lors d'une conférence de presse au Saguenay. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton, où on parle évidemment des réactions au Canada anglais sur le congédiement de Don Cherry. Stéphane Labou vient nous parler également de l'actualité chez les Canadiens de Montréal. David Lamontagne vient nous parler du hockey mineur Lac-Saint-Jean-Nord. Et Nicolas Bilodeau, des Gaillards de Jonquière, nous parle de sa première saison avec l'équipe. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.